Audiomatique. amorcer la transmission 5-1-2 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la formation franco-suisse de Big Tusk. De son plus récent album intitulé It's Alive, paru le 14 juin 2024, nous écoutions la pièce Cardia. Allons-y maintenant avec une pièce du groupe Ultravox. Thank you. Nous venons tout juste d'entendre le duo Chris and Kazi et sa composition The Gates of Ancient Cities tirée du deuxième album intitulé Trance qui est paru en 1982. Et avant cela, c'était le groupe Ultravox de qui nous écoutions la pièce L'Esclave qui se présente comme un B-side du simple All Stood Still relié à l'album Vienna sorti en 1980. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le duo américain Tune Yards. Station. at the birth. Hit the last star, crash landed when they kicked to the curb. I'm with the angels, the names you could only spell with symbols. Thimbles full of oil in the windows. The ritual, the vitriol, got the old phase listening. The asphalt glistening, it's not the cocaine, the snowflake different. The will probated for the ghosts in the system. The tour like war, the marbleized fat from the bore. The last true more of this district. My high fly discus defies science fiction. Well wishes to the warden who is looking for a tell. My inner well akin to doing crunches in the cell, my nightly obsession. You hear the church bells, the dovetails in the zephyrs. Your terror's my pleasure. Watch the pendulum swing for the simpletons to process. Agnostics to object while my tongue kiss my offset like moi. C'était à Audiomatic le compositeur australien Lance Gorisic qui nous offrait la pièce Nip Zene, extraite de son plus récent album Proffer, sorti le 23 août 2024. Tout juste avant, nous avions droit au quatuor Ox, qui est basé en Norvège. De son premier album qui est homonyme et qui a été lancé le 9 août 2024, nous avions droit à la pièce K-Dance 92 featuring Cavalier. Et pour amorcer ce segment musical, il s'agissait du duo américain Tune Yards et la chanson Be Not Afraid, extraite de son cinquième album Sketchy, paru en 2021. Audiomatic se poursuit sur une version que nous offre le projet Displacer de la pièce Doors and Windows, originellement composée par Monstrum Sepsis. Thank you. Thank you. Audiomatic, c'était l'artiste Jeremiah Chew qui nous offrait la pièce titre de son album improvisé In Electric Time, paru en 2023. Avant celui-ci, on avait droit à la pièce Continuum, composée par Dante Gonzalez pour son album Universos Paralelos, publié en 2015. Et pour amorcer cette séquence, nous entendions la musique de Monstrum Sepsis à travers la pièce Doors and Windows, remaniée par le projet Displacer. Ce remix apparaît sur l'album titre de cette pièce parue en 2004. En conclusion de cette transmission 5-1-2 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe anglais The Smile, bien sûr, formé de Tom York et Johnny Greenwood de Radiohead et Tom Skinner de Sons of Kemet. De son plus récent simple Don't Get Me Started, The Slip, qui est sorti le 2 août 2024, nous entendrons la chanson Don't Get Me Started. Mentionnons que Don't Get Me Started et The Slip sont les premiers extraits du prochain album de The Smile qui s'intitulera Cutouts et qui paraîtra le 4 octobre 2024. C'est mercredi prochain dès 17h que se concrétisera la transmission 513 d'Audiomatic, d'abord diffusée en direct du studio de la radio CFOU 89.1 FM pour être ensuite archivée numériquement pour une écoute ubiquitaire. Consultez notamment notre profil facebook.com/audiomaticcfou pour accéder aux archives d'Audiomatic. Voici donc The Smile et la chanson Don't Get Me Started. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you. Christmas.